J'ai galéré, je suis malheureux. Tu m'as pas aidé, c'était hard, j'avais pas un rond. J'ai galéré, je suis malheureux. Tu m'as pas aidé, c'était hard, j'avais pas un rond. On est passé dans les zones, on est passé dans les têches. J'ai de quoi vous éliminer, mais je me retiens drapé. L'amour de la haine, gros, ma cité va craquer, mais je me suis pas lassé de la guerre avec les gardiens de la paix. Vas-y, garde la tapée. J'ai galéré, j'en suis malheureux. Tu m'as pas aidé, c'était hard, j'avais pas un rond. J'ai galéré, j'ai galéré, j'ai galéré, c'est hard. J'veux m'aérer, j'veux m'aérer, j'veux m'aérer. Je sors du studio, complètement pété. J'ai fait songer sur toutes tes morts et c'est le tube d'allaité. J'me rentre au quartier, je vois mon neveu guetté. Il me voit, il frappe à cavale, il sait très bien qu'il va la goûter. Des tas de questions, je l'intercepte au plat du 8. Tu m'as mis le démon, tu m'as mis le démon, tu m'as mis le démon, tu m'as mis le démon. On est passé dans les zones, on est passé dans les tèches. J'ai de quoi vous éliminer, mais je me retiens drapé. L'amour de la haine, gros, ma fille va craquer, mais je me suis pas lassé de la guerre avec les gardiens de la paix. Vas-y, garde la tapée. J'ai galéré, j'en suis malheureux. Tu m'as pas aidé, c'était hard, j'avais pas un. J'ai de quoi vous éliminer, mais je me retiens drapé. L'amour de la haine, gros, ma cité va craquer, mais je me suis pas.